Comment te dire ce que tu m'apportes? Avec toi j'ai pas besoin de fortune. J'ai juste besoin de toi, girl. Le reste que le diable l'emporte et que personne ne nous importune. Ce sera juste toi et moi, juste toi et moi. Crois en moi, je ferai tout pour toi. Tu es la seule et l'unique pour moi et j'ai besoin de toi. Pour toi, ouais, j'ai des sentiments pour toi. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Des sentiments pour toi. Je ne demande pas plus que ça. Ce sera toi et moi contre le reste du monde. Chérie, ne doute pas une seconde de mes sentiments pour toi. L'amour a frappé à ma porte. J'ai et c'est toi que j'ai vu. J'ai juste besoin de toi, juste besoin de toi. Toi tu es tout ce qui m'importe. Avec toi je n'ai pas besoin de plus. Moi j'ai des sentiments pour toi. Contre le reste du monde, chérie, ne doute pas une seconde de mes sentiments pour toi. Je suis loin d'avoir la carrière de Jensen, j'ai pas la carrure d'un héros. J'ai pas le même humour que tes copines, mais j'ai ce qu'il me faut. Avec toi, je suis simplement moi. Si j'étais toi, alors je ne veux pas plus que ça. Avec toi j'ai pas besoin de fortune, non, non. Moi j'ai besoin de toi, juste besoin de toi. Le reste que le diable l'emporte et que personne ne nous importe. Moi j'ai des sentiments pour toi.